Section 10, chapitre 19, 20. Chapitre 19, où l'on commence à tirer la grenouille. Si vous voulez vous amuser à tirer la grenouille, entre amis et voisins, après votre repas, cela vous fera grand bien. C'est un exercice agréable et salutaire. Marcou va vous donner une leçon. Il faut d'abord un bâton court et franc, juste la place de quatre larges mains. Il faut ensuite des pichets de cidre à porter, car la grenouille est un jeu où il fait chaud. Il faut une trentaine de gars en belle santé, glorieux, car ça vous donne hardiment du cœur, la gloire, et qui ne regardent pas à déchirer leurs chemises ou leurs chausses à l'ouvrage. Des filles alentour, bien entendu. À quoi bon tirer la grenouille si Anne-Marie et Louison ne sont pas là pour dire en rythme jumeau, comme les bergères de l'idylle antique, « Oh là là, oh mais dame, dame, ça c'est vrai, vert, vraiment !» Pour avoir une bonne poigne, Gabillou a une bonne poigne, je ne mens pas. À tout coup, faut pas mentir, quoique ça. Oh, mesdames, vert vraiment, qu'il a une bonne poigne, Gabillou, tout à fait. Ôtez à Gabillou, Louison et Anne-Marie, les muscles de Gabillou deviendront du beurre. À Roland Lepreux, il faut Angélique. Une fois que vous vous serez procuré un bâton, des pichets, 30 gars, 15 Louisons et autant d'Anne-Marie, choisissez une belle place au soleil. Mettez quatre gars de ci, quatre gars de là, et dites-leur de se prendre la main deux par deux. Y êtes-vous? Bien. Couchez Gabillou à plat ventre sur les bras tendus des quatre gars normands. Marcou sur les bras de quatre gars bretons. Tête à tête, dig-dig-dou, les yeux dans les yeux. Donnez le bâton. Au bout du bâton, la main gauche de Gabillou, puis la main droite de Marcou, puis la main droite de Gabillou, et à l'autre bout du bâton, la main gauche de Marcou. En tout, quatre épaules de mouton. Maintenant, dites à Jean-Pierre d'empoigner la jambe gauche de Marcou. Petit Louis va empoigner la jambe droite. Simon et Morisseau rendront le même service aux deux jambes de Gabillou. Voilà qui est bien. Pour que cela aille mieux, attelez cinq gars au corps de Jean-Pierre, cinq gars au corps de Petit Louis, cinq gars à Simon, cinq gars à Morisseau. Et hu donc, tirez la grenouille, tirez, haïdou, haït, hardi, hu Jean-Pierre, hu Morisseau. Si cela ne suffit pas, appelez les passants. Prenez les marmailles et les bonnes gens, les filles, les métayères, tout le monde. Attelez du côté de Marcou, attelez du côté de Gabillou. Attelez, on n'est jamais trop. Et hu donc, tirez la grenouille, haïté. Quant à être sur un lit de rose, Gabillou et Marcou, non. Leurs muscles crient, leurs tempes battent, ils sont un peu dans la position des gens qu'on écartèle. Mais c'est le plaisir, ils tiennent, les vrais amis. Un peu de bonne volonté, attelez, attelez, qui pour les Normands, qui pour les Bretons, ils tiennent encore. Voyons si le mot va bien à la chose. Marcou et Gabillou tirés, grandis, amincis comme la courroie qui va rompre, ne ressemblent-ils pas à deux pauvres grenouilles entre les mains d'enfants bourreaux? Puisqu'on vous dit que c'est le plaisir, ils tiennent toujours. Gabillou pour la Normandie, Marcou pour la Bretagne. Les voilà 50 sur Gabillou et 50 sur Marcou. On nourrit l'espoir légitime que l'un des deux au moins sera disloqué. Peut-être les deux. Tirez la grenouille, haïdou. Un silence s'est fait, coupé par des clameurs brèves et pleines d'émotion. Le pont fourmille. À chaque instant, de nouveaux tourmenteurs viennent augmenter le nombre des bourreaux de Marcou et des bourreaux de Gabillou. Marcou est bleu, Gabillou violet. Mais les héros qu'ils sont, leurs bouches ne s'ouvrent que pour crier. D'autres, d'autres, encore, encore, eu donc! Et d'autres viennent, la queue s'allonge, on parlera de cette joute sous le chaume bien longtemps, et le pâtre, dans 50 ans, ne connaîtra pas d'autres grenouilles. Mais la lutte ne finira pas de sitôt. Gabillou et Marcou se connaissent. Laissons leurs efforts se lasser, risquons une promenade au travers de la foule et descendons sur la rive droite du Couesnon. Il y avait, en sortant du pont, une grande vieille toile trouée, tendue entre deux mâts, représentant le mémorable enlèvement des Sabines. Un homme, grave et fier, qui connaissait l'histoire ancienne imparfaitement, expliquait les détails de cette importante composition. Avant de l'écouter, souvenez-vous que nous sommes en Normandie. Ce qui prouve bien, disait-il, que les Bretons sont des Anglais manqués, c'est que leur premier roi, Merdor le Barbu, vint d'Angleterre sur des patages, par Saint-Paul-de-Léon, port de mer. À bas les Bretons! À bas les Bretons! Répéta une portion de la foule. « Pouille, pouille !» cria le reste. « Un breton pour trois normands !» Voilà le dit roi Merdor à la tête de sa clique. On prenait l'homme fier en drapant ses guenilles pailletées et en montrant Romulus. Remarquez, si vous le voulez, la barbe qui le fit nommer le barbu. Elle ressemble à une queue de vache noire. Ayant donc tué toutes les femmes du pays jusqu'à la dernière, dont voyez les tombeaux à droite dans le lointain, ces soldats se trouvèrent sans épouse. Alors le roi Merdor fit publier qu'il donnerait un bœuf à qui apporterait une femme. Mais les bœufs du roi Merdor étaient galeux comme tout ce qui vient de Bretagne. Applaudissements. Personne n'en voulut. Pouille, pouille. Le roi Merdor fit publier qu'il paierait chaque femme 10 écus d'or. Mais l'or de la Bretagne ne vaut pas le plomb des autres pays. Personne n'en voulut. À bas les Bretons. Que fit le roi Merdor? Regardez, voilà sur le rivage, qui envoie son cousin Morpère, l'homme au casque, là-bas, au roi des Anglais, qui se nommait Tatius, car son nom est écrit sur sa rondache. C'était la coutume du pays. Morpère alla au dit Tatius et lui raconta le cas du roi Merdor. Les Anglais ont toujours des femmes à revendre, avec des cheveux rouges et de grands pieds, comme il appert par ces portraits que vous voyez au bas de la toile. L'homme fier montrait, du bout de sa baguette, 3 cigognes qui occupaient le devant du tableau et qui représentaient, au moins en échantillon, les demoiselles anglaises de ces temps reculés. « Les Anglais ayant toujours des jeunes personnes à revendre, reprit-il, Tatius en choisit 15 000 nobles, 45 000 de roture, ce qui faisait en tout 60 000 anglaises rousses et maigres dont il était bien aise de se débarrasser. « Elles sont toutes là !» ajouta l'homme fier en montrant sa baraque. On les arrima à fond de cale sur 600 vaisseaux. Mais une effroyable tempête qui se trouve figurée là, dans le coin à droite, porta les 600 vaisseaux sur la pointe de Pinmar, où sont les hommes loups et la vache enragée. Les personnes qui voudront voir l'horrible traitement infligé aux 60 000 Anglaises amariées par les sauvages de la côte n'ont qu'à se dépêcher d'entrer. Les sauvages sont vivants, les Anglais sont naturels, et on les égorge devant tout le monde, moyennant le quart d'un denier nantais. Les Bretons payent demi-place pour rester dehors. Chapitre 20 Où l'on continue à tirer la grenouille. Une partie de la foule, séduite par cet éloquent discours, s'engouffra sous la toile. On lui montra des serpents de carton et un lapin qui jouait de la clarinette. « Or ça !» criait de l'autre côté du pont un barde de Quimper-Corentin. « Vous savez bien que les Normands cagneux viennent tous de Rollon, qui avait une tête d'âne. » Voyez plutôt sa ressemblance sur mon tableau. Il avait une fille nommée Virago, qui ne trouvait pas de mari et vivait en honnête normande. À bas les Normands. Levez la tête et regardez au nord. Vous voyez bien la mer. Et bien là-bas, entre Carole et Cancale, à l'endroit où est la mer, il y avait autrefois une grande et riche cité, qu'on appelait Élion. Elle était défendue par des digues contre la colère de l'océan. Les clés de la digue ne quittaient jamais le chevet de Rollon, tête d'âne, qui les mettait sous son oreiller. Voici ce qui advint, mes amis. Écoutez, et vous en saurez aussi long que moi. On était en guerre. Le chef des ennemis était un jeune duc, qui rencontra Virago à la promenade. Elle lui dit, « Voulez-vous qu'on s'épouse, nous deux ? Venez me rendre visite en mon palais. » Elle n'avait plus qu'un œil et que 3 dents, mais le jeune duc était rusé. « Par où entrer ? » demanda-t-il. « La ville est fermée de murailles plus hautes que des montagnes. » La Normande répondit, « Mon cher fiancé, la digue a des portes, lesquelles communiquent à des canaux qui entrent dans la ville. Quand la mer sera basse, ouvrez les portes et n'oubliez pas de les refermer. »« Avec quoi ouvrirai-je les portes de la digue ?» demanda encore le duc. « Avec les clés que je vous irai quérir au chevet de mon père. » Les Normands trahissent comme les autres respirent. Ils trahissent leur père, leur mère et notre Seigneur Dieu. « À bas les Normands !»« À bas les Normands !» répéta de tout cœur la foule bretonne. « Voici là-bas, reprit le barde de Quimper, en montrant son tableau déchiré, voici le vieux Rollon tête d'âne, qui dort après boire, et sa fille qui vient lui dérober les clés de la digue. Vous voyez donc bien, mes amis, que ce que je vous dis est la vérité. Quand elle eut volé les clés, la Normande les jeta par-dessus la muraille au duc ennemi, qui se garda bien d'entrer, crainte d'être obligé de l'épouser. Mais il ouvrit les portes à la mer, et ce fut la mer qui entra, la grande mer. Par quoi la cité des Lions est maintenant une ville noyée, dont les matelots aperçoivent encore les clochers à 100 bras sous l'eau, par le temps calme. Ceux qui voudront voir Rollon, tête d'âne, et sa fille, se noyer en blasphémant comme des païens, n'ont qu'à entrer. La mer est faite avec de la véritable eau salée, et tous les habitants de la ville, au nombre de 80 800, sont submergés pour tout de bon, excepté un qui dit la bonne aventure. On entrait au son du tambour et de la crécelle pour voir un autre lapin qui jouait de la clarinette et d'autres serpents de carton. Plus loin, un poète chantait les miracles de Merlin. Plus loin encore, un joueur de harpe disait la mystérieuse et charmante histoire du lac de Landelorne, où la fée Morgane livrait ses trésors à tout venant, depuis le premier jusqu'au dernier coup de midi. Mais il faut bien que partout, il y ait un succès qui dépasse tous les autres succès, une chose en vogue. La chose en vogue, à l'assemblée de Pontorson, c'était l'ogre des îles, l'homme de fer. Une baraque neuve était là, avec un tableau tout brillant qui n'avait encore souffert ni du soleil ni de la pluie, et qui portait pour légende l'ogre des îles dans son palais ténébreux. On y voyait le comte Otto, nu jusqu'à la ceinture et pourvu d'une barbe bleue gigantesque. Ce méchant homme tenait un enfant dans chaque main. L'artiste n'avait laissé qu'une jambe à l'enfant de la main droite, l'autre jambe était déjà dans l'estomac de l'ogre. Les dents du comte Otto étaient longues et crochues. Il avait des griffes au bout des doigts. À travers sa poitrine ouverte, on voyait son cœur où le diable était assis commodément. Le comte Otto marchait sur un sol jonché d'or et de perles. Derrière lui, une troupe de nymphes exécutait des danses antiques. À gauche, une cage de fer contenait les malheureux petits enfants qu'on engraissait pour les hideux repas du monstre. Autour de ce tableau, une foule immense et impatiente se massait. Il y avait 3 grandes heures qu'elle était là, cette foule, grossie incessamment par de nouvelles recrues. Ceux qui arrivaient essayaient d'approcher et poussaient. Ceux qui tenaient la place contre-poussaient pour défendre leur position acquise. Chose étrange et qui ne contribuait pas peu à aiguillonner la curiosité générale, depuis le matin ce radieux tableau étalait au soleil ses promesses et ses menaces, sans qu'aucun orateur fût venu faire l'explication d'usage. La galerie, soutenue par des tréteaux, où le pitre vient d'ordinaire essayer les bagatelles de l'apport, restait déserte. La baraque était close. De toutes parts, les autres propriétaires de curiosités luttaient d'efforts ardents pour attirer la pratique. Ici, rien. Et pourtant, on savait à l'avance que le spectacle devait être superbe. L'acteur chargé du rôle de l'ogre des îles était un gersias de 6 pieds de haut. Le rôle de l'enfant mangé devait être rempli au contraire par le fameux nain Fierabras la Rainoire, loué à raison de 2 deniers rennais par représentation. Pourquoi donc cette porte restait-elle fermée ? Les Bretons sont patients, c'est vrai, mais un jour de fête n'a que 12 heures et chacun dans la foule s'irritait du temps perdu. Les murmures naissaient, puis s'enflaient, puis se faisaient clameur. Les Bretons sont patients, mais ils ont mauvaise tête. On parla bientôt de mettre le tableau en pièces et de démolir la cabane. Ce projet ayant tout d'abord rencontré d'honorables sympathies, on monta sur les tréteaux et l'on cria à travers la toile « Rémi, bonhomme Rémi, si tu n'ouvres pas, ta baraque va y passer ». Point de réponse. Rémi faisait la sourde oreille. Les gars donnèrent du pied contre les poteaux de la baraque. Quand les poteaux commencèrent à branler, le bonhomme Rémi, vêtu de papier argenté, sortit, la terreur sur le visage. À sa droite parut le gersias, grand homme louche, saoul et idiot, à sa gauche le nain, fier à bras. « Pitié, mes jolis enfants !» s'écria le vieux Rémi. « Vous ne savez pas tout le malheur que j'ai. Quel malheur as-tu, bonhomme Rémi ?»« Las, las, mes jolis enfants, je suis ruiné d'honneur et de finances. » L'émotion lui coupa la parole. L'assemblée lui fit hommage de 20 douzaines de trognons de pommes pour marquer la part qu'elle prenait à sa peine. Fier à bras, indigné, s'assit dans la main de gersias, et du haut de cette tribune il parla comme suit. « Manant, écoutez, un gentilhomme !» Tonnerre d'applaudissements, « ce bêta que voilà, » il parlait du gersias, « ne demande pas mieux que de me manger, et moi je veux bien que le bêta me mange, mais tout cru, je n'ai pas de vocation pour le métier de gentilhomme rôti. « Que veut-il dire ? » se demandait-on dans la foule. « Je veux dire, manant, » répondit fier à bras, « que ce triple mécréant de comte Otto a des hommes d'armes qui ne plaisantent pas. « Et que nous fait cela, sire à Rainoire ? Cela fait, manant, que si nous représentons devant vous le mystère de l'ogre des îles dans son palais ténébreux, le comte Otto mettra le feu à notre théâtre. Il l'a promis. « Pensez-vous qu'on ait trouvé depuis lors des titres de mélodrame beaucoup plus alléchants que celui-là ? » La cohue qui avait l'eau à la bouche depuis le matin cria d'une seule voix en trépignant dans la poussière « Nous voulons voir cela, nous voulons voir cela !» Le nain agita sa main avec dignité pour rétablir le silence, puis il étendit ses doigts vers la rive normande. La foule, qui suivait chacun de ses gestes, tourna les yeux de ce côté. Tout le monde put voir dans un nuage de poudre, le long des bords du Couesnon, une troupe de cavaliers dont les armes étincelaient au soleil. Ils marchaient sous une bannière rouge, pailletée d'argent. Des murmures se croisèrent, des murmures d'étonnement et d'effroi. Le comte Otto, l'homme de fer, l'ogre des îles. Fin de la section 10.